Bien à présent, Gilles va nous parler d'un film rare ou peu connu. Hein, c'est le Kiki, la vue de Gilles. Exactement. Alors cette semaine, j'ai sélectionné pour vous « Ça n'empêche pas les sentiments » de Jean-Pierre Jackson. Avec un casting qui sent bon le terroir, Philippe Chevalier, Régis Laspalès, Cécile Bois, Louis Rigaud, Jackie Berroyer, Sylvie Joly, Jean-François Derec et Jean-Jacques Perroni. C'est sorti en France le 15 juillet 1998, champion du monde, mais éliminé au bout de la première semaine puisque le film fait au box-office 21 000 entrées, autant dire rien. Et c'est sorti en DVD dans la collection Ciné Solutions. Alors, qui l'a vu? Non. Personne. Non. C'est quoi le titre? Ça n'empêche pas les sentiments. Non, bon. Alors en bref, après s'être débarrassés de leurs bonnes femmes respectives, Raoul et Félix se lient d'amitié au comptoir d'un café où une tierce personne les engage aussitôt comme représentants pour les caves du gay vendangeur. Puis, ni une ni deux, les voilà partis sur les routes de France. On va écouter un petit extrait. C'est parti. Tiens, tu remets l'extrait au début pour voir. Je viens pour voir. Un kir, s'il vous plaît. Léger en cassis. Vous m'excusez, hein, monsieur est un habitué. Comme d'habitude, donc, monsieur Félix. Léger en cassis. Hein. Et voilà. Ah, tiens, voilà monsieur Raoul. Ah, mais tout va bien, vous avez mauvaise mine. Alors, comme d'habitude, hein, un petit café à l'eau distillée avec un sucre à l'alcool de menthe. Ça se boit, ça? Attention, monsieur. Avec l'eau, on n'est jamais assez méfiant. Et le pire dans l'eau, c'est ce qu'on voit pas. Elle est habitée. Ça grouille, ça pullule, ça prolifère. Un moment d'inattention et crac, la bactérie s'infiltre. Croyez-moi, vaut mieux prévenir que guérir. Mais elle a l'air d'en connaître un rayon sur la prévention. N'avez rien contre les bonnes femmes? Oh ça, la science est impuissante. Alors, la Nouvelle-Zélande a donné naissance à Peter Jackson, la France, elle, à Jean-Pierre Jackson. Et si un certain nombre de points les réunit, du nom jusqu'à la fonction, il n'existe entre eux aucun lien tangible. Ce serait même plutôt l'extrême opposé. Tandis que chez l'un, on se spécialise en orques, elfes et autres nains. Chez le second, c'est plutôt Beaufland. N'y voyez là aucune irrévérence. Ça n'empêche pas les sentiments. Se révèle être d'ailleurs un sommet du genre. N'ayant eu accès au numéro de Ian McKellen, Viggo Mortensen ou Elijah Wood, notre Jean-Pierre National, lui, se rabat pour son premier long sur Philippe Chevalier, Régis Laspalès et Jackie Berroyer, la classe absolue. D'autant que chacun y réalise d'étourdissantes prouesses. À ceux qui craignent un spectacle filmé de Chevalier et Laspalès, rassurez-vous, le film de Jean-Pierre possède son propre univers. Isolé entre le cinéma de Michel Audiard et celui d'Yves Robert, le tout à la sauce des chiens, presque inclassable. Dès lors, les deux comédiens s'y fondent sans nul autre choix et cela leur sied magnifiquement. Pas de train pour peau donc, ou de pinguino, les spécialistes auront reconnu, mais de nouveaux personnages étonnamment sobres, sillonnant la France au gré d'innombrables rencontres à qui ils tentent de vendre de la mauvaise piquette. L'occasion également de discussions pivotant entre philosophie légère et absurdité, une sorte de bref de comptoir transposé sur grand écran bien avant l'officiel et sous la forme d'un road movie estival. Le public français n'a malheureusement pas été préparé à cela. Plutôt un couple composé de Depardieu et de Jean Carmé, époque Le Sucre, signé Jacques Rouffio, voire d'un Jean-Pierre Marielle canalisé par le génie de Joël Seria, vu notamment dans Comme la Lune ou Les Deux Crocodiles, aurait certainement été plus porteur. Maintenant, il faut bien vivre avec son temps, et de toute façon, le film de Jean-Pierre Jackson a tout pour devenir culte, il l'est déjà pour certains, dans l'attente que le fan club s'agrandisse un jour. Merci, il y a Jean-Jacques Perroni dans ce film? Exactement, ouais. qui a aussi coécrit les dialogues. Ah d'accord, voilà, donc ça un petit peu son ton. Ça doit être... C'est drôle. C'est drôle. Vous cherchez un mot plus fort. Oui, non, je cherchais pas du tout ce voilà, mot-là. Voilà, écoute, oui, non. Ben, merci, Gilles. Mais de rien. On peut dire que Gilles, chaque semaine, nous parle très bien de son kiki. Voilà, il commence à être bien connu, oui, effectivement.